dans la noix de coco. Il faut qu'il soit enrobé dans du miel. On fait des et petits de biscuits panés, en fait, Louisette, c'est ça? Voilà. Panés dans et la noix de coco. De miel et de noix de coco. Parfait. Et on les pose pour les faire sécher. D'accord. Et la prochaine fois, si vous voulez, je vous donnerai la recette des cornes de gazelle. Eh ben avec plaisir, Louisette. En plus, on adore voyager, donc c'est parfait. Mille merci parce que vous nous avez surprise ce matin, Louisette. Originale, avec cette recette originale. À bientôt, Louisette. Revenez quand vous voulez pour partager votre passion de la cuisine et vos bonnes recettes. 01 42 30 10 10. Les biscuits, on les attend, vos biscuits, ce matin. Et en plus, Nadine arrive pour quelque chose que j'adore, Marie-Hélène. Ouais, bah moi aussi. Hein. Amaretti, moelleux, s'il vous plaît. La recette dans un instant sur France Bleu Paris. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Madonna, c'était Frozen sur France Bleu Paris à 10h15. France Bleu Paris. Petit plaisir régressif ce matin sur France Bleu Paris. C'est mercredi, c'est le jour des enfants. On en profite pour cuisiner ensemble des bons biscuits, Marie-Hélène. Il y en a un bon paquet d'ailleurs. Bah oui, les biscuits secs, comme les langues de chat, les palais bretons, les petits sablés, ou pourquoi pas aussi les petits gâteaux moelleux comme les madeleines, les cannelés aussi, qu'on adore au moment de prendre une tasse de thé, un petit café aussi, tout le temps. Pourquoi pas, tout le temps aussi, ou même sans rien, tiens. 01 42 30 10 10 pour vos recettes de biscuits, les vôtres, celles de vos grands-mères aussi que vous voulez transmettre. On prend, on note, on essaye, on goûte. 01 42 30 10 10 et vous gagnez en plus ce matin le tablier du chef France Bleu, le torchon de cuisine et puis Macarons et gourmandises, un superbe livre chez Larousse. Nadine nous rejoint pour ses amaretti. Ah super, bonjour, bonjour Nadine. Bonjour Marie-Hélène et Corentine. Comment ça va Nadine? Mais ça va très bien. Et vous nous faites plaisir parce que voilà, l'Italie, moi j'adore pour la gastronomie et particulièrement pour les amaretti, donc dont vous allez nous donner la recette. C'est ça, j'ai trouvé une recette qui donne des amaretti moelleux parce que j'en avais essayé plusieurs, ils étaient trop secs à mon goût. Alors il y a différents amaretti, il y en a des moelleux et des secs. Après voilà, dans toute l'Italie, chaque région a sa recette. Bien sûr, chacun vous dira, c'est la nôtre la vraie. Oui, mais voilà, mais moi aussi j'ai une petite préférence pour les amaretti moelleux. Marie-Hélène, vous qui parlez couramment italien, amaretti, ça veut dire amande. Petite amère, l'amande, voilà. Donc c'est un macaron italien, voilà. Puisqu'il faut savoir que le macaron, il n'y a pas que le macaron qu'on peut trouver donc dans Paris où il y a la ganache au milieu. Les macarons, ce sont des petits biscuits à base de poudre d'amande. Voilà, il y a le macaron d'Amiens. Il y en a partout en France. Le macaron de Nancy aussi, voilà. Et chacun a sa recette. Alors, on y va pour les amaretti moelleux de Nadine. Voilà, alors je vais vous donner les ingrédients. Allez-y. Il faut 180 g de poudre d'amande, 2 blancs d'œufs, 1 cuillère à café d'extrait d'amande amère, 50 g de farine, 150 g de sucre, un peu de sucre glace et une pincée de sel pour monter les blancs en neige. D'accord. En fait. On commence par monter les blancs en neige, donc avec une pincée de sel. Et on ajoute le sucre dès que le blanc est bien pris, déjà, de façon à battre comme une meringue. Voilà, tout à fait, c'est la base de la meringue. Voilà. D'un autre côté, je mélange la farine et la poudre d'amande que j'incorpore au blanc, donc à la meringue bien lisse. D'accord. Oui. J'ajoute une cuillère à café d'amande amère. Et voilà, l'appareil est terminé, on mélange bien. Après, il suffit à l'aide d'une cuillère de faire des petits tas que l'on roule entre ses mains. Et après, on les passe sur le sucre glace, on aplatit légèrement, on pose ça sur un plateau pour les cuire. Alors, soit avec un papier de cuisson, soit avec un tapis de silicone. Oui. Et on les met au four, ça cuit vite, c'est à 180 degrés en 10 ou 15 minutes, suivant la grosseur des macarons, des vous avez terminé votre recette. Tout simplement. C'est vrai que ça cuit très très vite. Ça cuit vite, c'est très facile. Ça se mange vite aussi. Ça se mange vite aussi, oui. Et alors, c'est bien pour utiliser un reste de blanc d'œuf. Voilà, si on a fait une mayo, par exemple, on a des blancs d'œufs, on ne sait pas quoi en faire, pourquoi pas des amaretti. Excellent. Et puis, on peut les laisser un ou deux jours, parce que les blancs d'œufs un peu liquéfiés, pour toute recette de macarons, ce sera carrément mieux pour la texture aussi. D'accord. Eh ben, je pense que je vais faire une mayo, moi, ce soir. Comme ça, il me restera des blancs. Des amaretti. Voilà. Les Congolais, oui, bien sûr, aussi. Avec un blanc d'œuf, vous faites une douzaine de Congolais. Bah oui, voilà. Donc, il y a toujours des recettes pour recycler avec gourmandise, Nadine. Exactement. Merci pour l'astuce, Nadine. C'est bien noté. On vous embrasse. Et bonne journée, Nadine. Au revoir. À bientôt. Revenez quand vous voulez au 01 42 30 10 10. Vous partagez ce matin vos délicieuses recettes de biscuits, de petits gâteau sec, on veut juste se régaler, on aime aussi plonger dans vos souvenirs d'enfance, vos recettes de famille, n'hésitez plus, il y a des cadeaux à gagner, 01 42 30 10 10. 9h, 11h, Corentine Feltz sur France Bleu Paris. France Bleu. Tous les matins à 7h50 sur France Bleu Paris, accédez au carré VIP des plus grands spectacles. Gagnez vos invitations au concert de Vincent Niclot à l'Olympia. Carré VIP. Carré VIP. Demain matin à 7h50 sur France Bleu Paris. France Bleu présente Carmina Burana, le chef-d'œuvre musical et chorégraphique, succès mondial du XXe siècle. Carmina Burana, par le ballet, les chœurs et l'orchestre de l'Opéra National de Russie. Plus de 150 artistes sur scène interprètent avec passion cette œuvre magistrale. Carmina Burana, le spectacle musical événement à partir du 3 novembre 2017 en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu Paris. France Bleu. Je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Comme quelqu'un qui te sera et dont on parlera. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. Je serai quelqu'un qui sera. Nous irions faire la nuit aussi loin que tu pourras. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle et cruelle à la fois. Elle nous ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. La vie est belle, aussi belle que toi. Elle te ressemble parfois. Moi je suis né pour n'être qu'avec toi. De vivre près de toi. La vie va trop vite, ton cancer est le mien. C'était pourtant si clair de finir avec toi. Ton sang est le mien, on ne fera plus qu'un. Elle nous ressemble parfois. Moi j'étais né pour n'être qu'avec toi. Nous on y aurait cru. Seul et triste à la fois. Tout ne finira pas juste ici. On y aurait. Moi je suis né ici pour n'être qu'avec toi. La vie est belle avec Indochine sur France Bleu Paris. La vie en bleu. Corentine Fels sur France Bleu Paris. Et oui, la vie est belle en bleu. Et la vie est belle quand on se régale et qu'on passe de bons moments ensemble, comme on le fait tous les matins au 01 42 30 10 10 avec toutes vos recettes. C'est mercredi, on en profite. Hein, c'est une bonne excuse pour manger des gâteaux, des biscuits. Mais oui. Qu'est-ce qu'on peut imaginer, Marie-Hélène, comme recette encore ? Les sablés, il y a plein de recettes autour des sablés, voilà, avec des noix, des noisettes, pourquoi pas aussi des fruits secs, des épices, les petits beurres aussi, les galettes bretonnes. C'est quoi des nonnettes ? Les nonnettes, c'est ce que vous avez là dans le livre qui est offert aujourd'hui. Donc, c'est un biscuit tendre comme la madeleine. Voilà. D'accord. On souvent l'associe aux fruits. Très bien. Amandes. Des petites nonnes. Par exemple, des petites nonnes. Les financiers à la pistache. Ça, c'est bon aussi. Alors, visitandine. Ah oui, la visitandine, c'est un genre de génoise. Hein. C'est fait avec des blancs d'œufs, la visitandine. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très belles recettes dans ce livre qu'on vous offre chez Larousse. Il s'appelle Macarons et gourmandises. Il sera peut-être pour Laurence d'ailleurs. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour à vous deux. Alors Laurence, j'espère quand même qu'on va passer un bon moment parce qu'on va parler tuiles, d'amandes. Séparément, ça paraît un peu genre. Se prendre une tuile dans la vie, Par contre, les manger, ça, c'est plutôt pas mal. Les tuiles aux amandes, c'est autre chose, effectivement. Oui, les tuiles aux amandes et au poivre de Sichuan. Ouais. D'accord. Le poivre de Sichuan. Voilà. Le poivre chinois. Le poivre chinois. Voilà, et c'est vraiment très goûtu, autant salé qu'en sucré. Mais il a quelque chose de particulier, ce poivre, Laurence ? Oh, il est très parfumé. Il est très parfumé, oui. Puis il génère un petit picotement, ce qui va permettre de rehausser un peu, à mon avis, le goût de vos tuiles, Laurence. D'accord. Donc, je vous donne la recette. On y va, Laurence. 120 g d'amandes effilées, 120 g de sucre semoule, 25 g de beurre, 20 g de farine, 2 blancs d'œufs et un demi-citron. Enfin, on utilise les écorces. Ouh là là. Les zestes. Vous êtes allé vite, Laurence. Hein. J'écris vite, là, quand même. Attendez, il y a de la fumée qui sort du stylo de Corentine. Ouais, tellement elle a écrit. 120 g d'amandes effilées, 120 g de beurre. 120 g de sucre. Le sucre, oui. 20 g de beurre. 20, vous imaginez. 25 g de beurre, 20 g de farine. C'est pas la même. 20 g de farine. 2 blancs d'œufs. 2 blancs d'œufs, un demi-citron, les zestes. Les zestes d'un demi-citron, d'accord. Du poivre séchouan, de la vanille bourbon en poudre. Super, d'accord, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc il faut ça se fait en deux temps. Donc vous mettez vos blancs avec le sucre, d'accord, et le beurre fondu. Vous y ajoutez les amandes effilées et les écorces de citron, d'accord, la farine, et vous mettez au repos une heure au réfrigérateur. Ensuite, vous étalez un papier sulfurisé. Oui. Et donc vous prenez, parce que c'est une texture assez collante, donc vous prenez un bol d'eau et vous prenez une cuillère que vous avez trempée dans l'eau au préalable avant de mettre dans la pâte. Et donc à chaque fois, vous recommencez, vous étalez la tuile. Donc sur la plaque. Avec le dos de la cuillère, on fait des petits ronds. Avec le dos de la cuillère, à chaque fois, vous la trempez dans l'eau, parce autrement ça colle. D'accord. Ça permet justement que la pâte ne colle pas à la cuillère. Donc c'est pas compliqué, il faut juste faire cela. Et ensuite, vous enfournez à peu près pour 10 minutes à 180 à la chaleur tournante. Et ensuite, vous décollez délicatement les tuiles et vous pouvez soit les laisser plates, soit les mettre sur une bouteille en verre pour qu'elles aient la forme arrondie. Oui, parce que si on n'est pas équipé de gouttière pour faire la forme des tuiles, pas de panique, on prend des bouteilles en verre, tout simplement. Et puis, on pose à la sortie du four, quand le biscuit est encore chaud, pour que ils prennent naturellement la forme arrondie de la bouteille. D'accord. Parfait. C'est noté, toutes ces astuces. Bon, génial. Laurence, on a bien cuisiné, Laurence. Par contre, on est un peu sali et moi, je trouve qu'en cuisine, la vaisselle, c'est chiant. Oh, mais ça va, non, mais c'était qu'un seul plat. Non, mais Laurence, c'était une blague Marie-Hélène nulle. Marie-Hélène a essayé de faire une blague. Ça fait qu'un seul plat, il n'y a même pas de fouet, il n'y a rien du tout. Donc mais génial, votre blague, là, c'est méga vent, là. Ouais, un gros vent, là. Et ça se voit, il ne fait pas beau aujourd'hui. Hein. C'était le poivre. Ça va venir. Le poivre du Sichuan. Je disais la vaisselle, Sichuan. Sichuan. Laissez tomber. Il faudrait un petit bruitage pour. Laissez tomber, Laurence. Non, je suis peut-être pas suffisamment réveillée. Normal, c'est lundi matin. Pardon. Non, non. Là, tout le monde a bugué. Et oui, un mercredi. Quoi, encore 4 jours à tenir? Non, ça va, nous ça sommes va. Bien mercredi, nous Laurence. Nous sommes mercredi, on se régale avec vos biscuits. Merci beaucoup, Laurence. Mais très bon. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À essayer, hein, cette huile aux amandes et au poivre de... C'est chiant. Du Sichuan. 01 42 30 10 10. Venez nous rejoindre pour votre recette et pour gagner des cadeaux. On vous attend avec vos biscuits sur France Bleu Paris. J'ai vécu sous des posters, à me croire le seul à connaître tout de vous. J'en ai refait des concerts en rêvant de voir apparaître Marie-Lou. J'inventais des lettres à France, en solitaire, en silence. Si je n'ai pas su l'écrire, je voulais simplement te dire que si. Si j'existe, j'existe, c'est d'être fan. Fan de Pascal Obispo sur France Bleu Paris, fan de vos recettes, fan des biscuits, des gâteaux, venez nous proposer vos recettes à vous, 01 42 30 10 10, venez gagner des cadeaux. Et dans quelques secondes, on va se projeter à Noël avec les biscuits de Noël de Marie. France Bleu Paris, 9h-11h, Corentin Fels. France Bleu. Une heure en France. Frédéric Le Ternier. On se retrouve pour votre rendez-vous avec de l'info aux côtés de Denis Farou et des histoires d'hommes et de femmes partout en France, amoureux de leur région et qui la font vivre. On vibre et on découvre leurs projets. Une heure en France. aujourd'hui de 13h à 14h sur France Bleu. Avec l'ARAM, numéro 1 de l'assurance maladie des indépendants, accompagne les futurs créateurs d'entreprises dans leur démarche de protection sociale. Info sur laram.fr. Je suis très attachée à mes valeurs chrétiennes. Dans un monde où les besoins sont importants, il est primordial de préserver le lien entre charité, justice sociale et spiritualité. C'est pourquoi les bénévoles des conférences Saint-Vincent de Paul visitent, accueillent et accompagnent ceux qui en ont besoin. Malades, personnes seules ou âgées, sans abri. Pour les aider, j'ai décidé de faire un legs. La Société de Saint-Vincent de Paul est une association reconnue d'utilité publique. Demandez notre brochure en appelant gratuitement le 0800 441 441. France Bleu Paris. La vie en bleu. Corentine Fels sur France Bleu Paris. Et profitons-en ce mercredi pour faire des gâteaux avec les enfants, des biscuits, et pour les manger au goûter. Se réchauffer auprès du four. Vous savez que le soleil sera là tout à l'heure. C'est cela, oui. Je sais, vous on a du mal à y croire. Ah, bah, oui. Ah oui. Parce que pour le moment, c'est pas gagné. Hein. Ah non, mais c'est si, un temps assure. À faire des biscuits, justement. Sur mon radar Météo France. Très bien. Le soleil arrive. Bon. Bientôt. Ok. Mi-journée, encore un peu de nuages et fin d'après-midi, plein soleil. Super. Verrez, hein. Bon, bah alors on fait les biscuits maintenant et d'accord. En fin d'après-midi, on va au parc pour les manger. Exactement. Quel très beau bien. Programme. Allez, Marie nous rejoint au 01 42 30 10 10 pour sa recette. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour mesdames. L'esprit de Noël bah plane oui, sur votre recette, Marie. Que l'on dit de Noël, mais on peut les faire aussi... À trois mois, hein, bientôt, hein, trois mois, ça va vite passer. Hein. Oui. Oui, je sais. Le chantage au Père Noël va bientôt commencer. Et voilà, ça, c'est bien pratique. Déjà, on a déjà les listes. Bah, dis donc. C'est pas vrai. Oui. Ouais. Bon, Marie. C'est de plus en plus tôt. Voilà, donc de la farine, du beurre en quantité, à peu près 500 grammes de farine, 300 grammes de beurre, du sel, de la cannelle... des blancs d'œufs, voilà, du sucre en poudre, des œufs, de la levure, etc. Très bien. Donc, vous coupez le beurre en morceaux dans un saladier, vous le laissez donc ramollir, on verse la farine et le sucre d'accord. dans un autre saladier, on mélange, on creuse, c'est toujours pareil, en fait, on creuse une fontaine au centre, on y met la levure, la cannelle, le sel et le beurre ramolli. D'accord. Voilà. Vous voyez, on les travaille un petit, comme des sablés bretons, en fait. Ok. D'accord. On les travaille du bout du doigt jusqu'à l'obtention d'un mélange un peu sableux. Oui. Et puis vous versez le mélange donc sur votre plan de travail. Vous séparez les jaunes d'œufs des blancs. Vous incorporez donc trois jaunes d'œufs et un œuf entier. D'accord. Très bien. D'accord. Ensuite, vous travaillez la pâte jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Mmh. Alors, je la mets en boule, évidemment, et je la mets au frais pendant 2 heures au moins. OK. Voilà. Ensuite, vous étalez la pâte sur environ 1 cm d'épaisseur. Oui. Vous découpez des petits biscuits à l'aide d'un emporte-pièce et c'est là où on a Noël, l'étoile, bah le oui. Père Noël, le sapin. Le petit bonhomme, petit biscuit aussi. Alouette, alouette, et aux enfants. Et puis on pose les biscuits sur la plaque du four. Voilà, on les espace en bien, de manière à ce qu'ils ne soient pas les uns sur les autres. On fait cuire environ 12 à 15 minutes, pour qu'ils soient dorés. Voilà. Voilà, vous les sortez du four. Comme disait Marie-Hélène tout à l'heure, vous les posez sur une grille pour les laisser refroidir. Et puis, vous préparez un petit glaçage avec du sucre glace, de blanc d'œuf et quelques gouttes de citron. Voilà. Voilà, et vous recouvrez les biscuits, vous laissez durcir quelques minutes et vous servez tout de suite et tout est mangé. Ah, c'est bon. Justement, ce petit glaçage peut amuser les enfants aussi, hein, parce que là, pour le coup, on peut vraiment donner vie à ces petits biscuits de Noël. Tout à fait. Voilà, on peut aussi s'amuser avec les colorants alimentaires, pourquoi pas, ou même les petits bonbons, les fruits secs aussi. C'est vrai, et puis les emporte-pièces qu'il faut. Qui font la petite forme sympathique. Et oui. Et c'est la cannelle, évidemment, qui fait qu'on dit que ce sont des biscuits de Noël. Hein. Alors, c'est ça, Marie, pas seulement la cannelle, hein, toutes les épices. Hein, ça peut être aussi de l'écorce d'orange, hein, puisque l'orange est quand même très lié à Noël. Voilà, mais ça peut être du gingembre, de la cardamome. On peut les servir avec une marmelade d'orange ou une compote de fruits de saison. Et un petit thé de Noël, allons-y, allez. 100%. C'est la fête. Ce serait bien, là, un petit thé. Hein. Un petit chocolat chaud avec des petits marshmallows dedans. Oh là là. Oh là là, l'émission des gourmands. Merci Marie pour merci vos biscuits beaucoup, Marie. De Noël. Merci, bonne journée. Bonne journée Marie. À bientôt, revenez quand vous voulez. On adore quand vous partagez vos meilleures recettes. Évidemment, on note tout et vous pouvez réécouter tranquillement en podcastant cette émission. Rendez-vous sur francebleu.fr. 01 42 30 10 10 pour vos recettes de biscuits ce matin sur France Bleu Paris. Take a breath. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heaps in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Sochaï avec Imani sur France Bleu Paris. France Bleu Paris. Non, non, ne soyez pas timide, comme dit Imani dans la chanson. Venez, venez, venez. Donnez, donnez-nous vos recettes. De petits biscuits ou de petits gâteaux. On se régale ce matin. Je pense que cet après-midi, avec les enfants, eh bien, on saura comment les occuper. 01 42 30 10 10 pour vos recettes. Voici Solange. Solange, bonjour et bienvenue sur France Bleu Paris. Bah, bonjour France Bleu. Bonjour Solange. J'ai une recette qui s'appelle à l'origine un creusois. Oui. En Creuse. Oui, je connais avec bien. Avec des noisettes hachées. Eh oui. Voilà, alors je l'ai améliorée. Enfin, je ne l'ai pas améliorée, je l'ai fait à ma façon. Je l'ai pas améliorée, c'est pratiquement la même. Donc, 250 g de noisettes hachées. Oui. 150 g de sucre. Mmh. 150 g de beurre fondu. Mmh. 3 paquets de sucre vanillé. Mmh. 2 cuillerées de farine à soupe, un paquet de levure tamisée, tout ça, et 6 blancs d'œufs battus en neige très ferme. D'accord. D'autant que les blancs d'œufs, on ne sait souvent pas quoi en faire. Ben oui. Donc c'est, je les garde et puis voilà. Bah là déjà, on a le creusois et les amaryllis. Il y en a quelques-uns. Oui, la visitandine aussi. Mais il y a pas mal. Non, il y a que les blancs. Exact. Les blancs, exact. Ouais. Il y a pas mal de petits gâteaux au final où il n'y a pas le jaune. Ah bien. Alors moi, ce que je fais, je mets ça dans des petits moules en silicone, des petits moules pas trop grands. Donc par-dessus chaque petit, au-dessus, je mets soit une noisette, soit une amande, soit des pistaches, enfin des fruits secs. Et je mets ça à peu près 20 minutes au four, pas trop chaud, 170, 180 maximum. Moi, je les surveille, qui dort pas trop. Mmh. Et ça fait éventuellement des petits fours secs, quoi. Enfin, parfait, demi-sec. Et... Oui, parce que le creusois est croustillant un peu à l'extérieur, mais très moelleux à l'intérieur. Exactement. Et c'est vrai que, bon, bah... Vous parlez à mes origines, la Solange, de la Creuse. Donc je pense que là, vous marquez deux points d'entrée de jeu. Là. Solange, dites-moi, quelle est la différence entre la recette creusoise, la vraie, et la vôtre, que vous avez un petit peu arrangée ? La vraie, il y a plus de sucre. D'accord. Voilà, et puis c'est fait dans des moules, enfin ça c'est un gâteau, un gros gâteau si vous voulez. Voilà. Vous en avez fait des oui, mais on peut en faire des individuels, et puis là Solange rajoute de la pistache, des fruits secs, voilà, selon ses envies. C'est joli, et puis chaque, il y a pas à couper quoi, c'est très sympa. Mmh. Ça cuit plus vite. Bah oui. Voilà, et... c'est tant qu'à faire, ça nous arrange. Voilà, et puis moi j'ai fait ça pour un buffet, on avait fait la fête des voisins. C'était super génial, j'avais fait évidemment multiplié par 3 parce qu'on était très nombreux. Et c'était vraiment, c'est plus sympa que de couper un gâteau, si vous voulez. Ah bah oui, bien sûr. Puis voilà. Les petites bouchées comme ça, hein, on en prend autant qu'on veut, c'est en fonction de l'appétit. Avec la petite noisette par-dessus, mais par oui, exemple, voilà. Pour décorer. Voilà. Belle idée, Solange, d'avoir adapté donc ce gâteau, ce grand gâteau, justement, à des petites bouchées gourmandes. Voilà, c'était le gâteau creusois depuis Villemomble. Merci Solange. Merci Solange. Merci à vous et à bientôt. Ah oui, on espère. Ah bah oui, hein, revenez. Hein. On a besoin de bonne vous. Journée. On a besoin de vos recettes, on a besoin de votre gourmandise. 01 42 30 10 10, le numéro de France Bleu Paris, à composer sans aucune modération tous les jours pour partager vos recettes et gagner des cadeaux. Il y a un mariol, il y a au moins 4 ans, il veut te piquer ta pelle et ton seau, ta couche culotte avec les bons becs dedans. Lolita, défends-toi, fous-y un coup de râteau dans le dos. Attends un peu avant de te faire emmerder par ces petits machos qui pensent qu'à une chose, jouer au docteur non conventionné. J'y ai joué aussi, je sais de quoi je cause. Je connais bien les playboys des bacs à sable. Je draguais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils te feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Lola, quand tu vas où je suis pas, tu sais maman que je suis Morgane de toi. Comme j'en ai marre de me faire tatouer des machins qui me font comme une bande dessinée sur la peau. J'ai écrit ton nom avec des clous dorés, un par un planté dans le cuir de mon blouson, dans le dos. T'es la seule gonzesse que je peux tenir dans mes bras, sans me démettre une épaule, sans plier sous ton poids. Tu pèses moins lourd qu'un moineau qui mange pas. Déploie jamais tes ailes, Lolita, t'envole pas. Avec tes miches de rat, qu'on dirait des noisettes, et ta peau plus sucrée qu'un pain au chocolat, tu risques de donner faim à un tas de petits mecs quand t'iras à l'école, si jamais t'y vas. Tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. Morgane de toi, avec Renaud sur France Bleu Paris. La vie en bleu. Corentine Fels sur France Bleu Paris. Nous, on est Morgane de toutes vos recettes. Recettes à réécouter tranquillement en podcastant cette émission La Vie en Bleu. Rendez-vous sur francebleu.fr. Marie-Hélène, il y a la recette du jour aussi qui nous y attend sur francebleu.fr. Mais oui, mais bien sûr, ce sont des sablés à la figue. Voilà, pour rester dans le thème un peu saisonnier. Merci Marie-Hélène. Mais oui, je vous en prie. Je sais que vous aimez beaucoup la figue. Beaucoup. Mais j'aime aussi beaucoup les recettes qu'on a eues ce matin. Alors, on va remercier tout le monde. Louisette et ses petits fours. Alors, à la noix de coco, il y avait comme base de la vache qui rit, et ça c'était plutôt intéressant et étonnant. Nadine nous a proposé des amaretti moelleux délicieux. Le bon goût de l'Italie. Laurence, ses tuiles aux amandes et au poivre de Sichuan. Très bon aussi. Marie, ses biscuits de Noël, excellent, avec de la cannelle notamment. Et puis Solange et ses petits creusois revisités. On s'est bien régalé également. Marie-Hélène, il nous faut une gagnante. Et oui, et c'est pas facile encore aujourd'hui, mais j'ai beaucoup aimé les tuiles au poivre du Sichuan de Laurence. Laurence, bravo, vous repartez avec le tablier du chef France Bleu, le torchon de cuisine, le livre Macarons et gourmandises chez Larousse, qui est juste superbe. Ah, magnifique ce livre. Vous allez vous régaler, faites-en bon usage. On n'en doute pas d'ailleurs. Hein, attention au régime, bon usage. C'est foutu. Ça va en faire de la vaisselle. C'est hein. ça. Alors, on va se retrouver demain, Marie-Hélène. Oui, bah, de quoi être aimable demain. Nous allons parler de la carotte. Ah, voilà. On ramène une petite cagette, si vous voulez. Marie-Hélène, elle fait ses thèmes d'émission juste pour pouvoir placer ses blagues. Mais oui, mais... Donc, demain sur la carotte, préparez-vous. Je vous le dis comme ça. Ouais. Hein, là, je file à mon bureau d'ailleurs pour commencer préparez à les écrire. Les... Oui. Les sketchs. C'est ça. De demain. Oui. Très bien. Alors, bonne journée. Et à demain dès 10h, Marie-Hélène. À demain, Corentine. France Bleu. Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu. Retrouvez tous les matchs du Paris Saint-Germain en direct avec Bruno Salomon. C'est le choc de la poule B en Ligue des Champions. Le match pour la première place entre le PSG et le Bayern Munich, les deux favoris du groupe. Premier acte ce soir à 20h45. Émission spéciale sur France Bleu dès 20h. Retrouvez tous les matchs du Paris Saint-Germain en direct. France Bleu, supporter du PSG. France Bleu présente Carmina Burana, le chef-d'œuvre musical et chorégraphique, succès mondial du XXe siècle. Carmina Burana, par le ballet, les chœurs et l'orchestre de l'Opéra National de Russie. Plus de 150 artistes sur scène interprètent avec passion cette œuvre magistrale. Carmina Burana, le spectacle musical événement, à partir du 3 novembre 2017, en tournée dans toute la France. Une tournée France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu Paris. France Bleu. To leave, I can hardly breathe. Let's Work It Out. C'était Texas sur France Bleu Paris à 11h05. Carré VIP. Accédez aux meilleurs concerts, aux plus grands spectacles. À 11h05, cette bonne nouvelle sur France Bleu Paris. Demain matin, 7h50, vous allez gagner vos invitations pour le concert de Vincent Niclot. Aimer est un voyage qui dure toute la vie. Un océan sans plage, un exil insouciant. Et en plus, ce concert va se passer à l'Olympia de Paris. C'est un concert France Bleu Paris. Vous gagnez vos invitations demain matin à 7h50 sur France Bleu. Ça va de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas, un jour, chaque autre rat. Que la vie t'a en toi, tu m'emmèneras. Un jour j'aurai New York au bout des doigts. On y jouera, tu verras. Dans le club il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. Et j'y crois. Les flaques de peinture sur les murs en parfois, la couleur des sons que tu bois. Le puits c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi, chez toi, chez nous quoi. Un jour j'irai là-bas, un jour chaque autre rat. Voici le cœur de la vie. Que la vie t'envoie. Et tu m'emmèneras. Emmène-moi. New York avec toi, téléphone sur France Bleu Paris. France Bleu Paris. France Bleu. Le Grand Paris, Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu Paris. Oh oui, emmène-moi. Oui, bonjour Laurent. Bonjour, je t'emmène à l'Olympia si tu veux. Où ça, voir bon, qui samedi, Vincent Niclot. Ah bah oui. Non ah, mais d'accord. Dites donc, c'est pas pour vous ces invitations. Ah bon, mais non, c'est le cadeau du Grand Paris dans un instant pour ceux et celles qui nous écoutent. On va jouer au Grand Paris jusqu'à midi et vous gagnerez deux invites pour le concert de Vincent Niclot samedi c'est, à l'Olympia. C'est qui l'invité capital? Ah, il est génial. C'est un humoriste, il est new-yorkais, il est installé en France depuis quelques justement années. Ça te voit? Il s'appelle Sébastien Marx. Il est en ce moment sur la scène de l'Apollo. Beau et gosse. Il est vraiment très drôle. Il est marié, il a deux enfants. Ah, pas pour dommage. Vous. C'est pas pour vous. À tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. France Bleu. Camping-car, van, caravane. Ils n'ont jamais autant séduit les Français. Liberté, mobilité, racontez-nous pourquoi vous aimez partir avec ces moyens de transport. Vos voyages, vos souvenirs, on attend vos témoignages. On se dit tout avec Vanessa Lambert. Tout à l'heure, de 14 à 15 heures, sur France Bleu. À tout à l'heure. France Bleu vous fait prendre le large jusqu'au 2 octobre avec le Grand Pavois de La Rochelle. Plus de 700 bateaux, un espace pêche de référence, toutes les nouveautés et toutes les passions nautiques réunies. Jouez toute la semaine avec France Bleu et gagnez votre thalasso sur l'île de Ré. Pour jouer et tout savoir sur le Grand Pavois, francebleu.fr, rubrique événements. Radio France, partenaire du prix Philippe Chaffanjon. Vous êtes journaliste ou reporter de moins de 40 ans? Participez à la 5e édition du prix Philippe Chaffanjon. Si en 2017, vous avez réalisé un reportage multimédia diffusé par un site de presse français ou haïtien, inscrivez-vous jusqu'au 15 décembre pour ce prix remis par la présidente du jury, Florence Obnas. Toutes les infos sur le prix Philippe Chaffanjon sont sur radiofrance.fr. Vous écoutez France Bleu Paris, il est 11h. France Bleu. Les Les infos, Édouard Marguier. L'info, c'est l'évacuation des manifestants devant une usine de Montreuil. Les policiers ont agi il y a une demi-heure environ. Ils ont même utilisé du gaz lacrymogène pour évacuer les 80 personnes environ qui bloquaient la SNEM, une usine spécialisée dans le traitement chimique de pièces pour l'aéronautique. Un site industriel situé près d'une école est jugé toxique par les riverains du quartier, contrairement aux autorités qui estiment qu'il n'y a pas de danger pour les populations. L'action policière mise en cause en Essonne, un homme de 26 ans a perdu l'usage d'un œil après avoir reçu une balle de flashball il y a une dizaine de jours dans un quartier sensible de Vigneux-sur-Seine. Sur ordre du parquet d'Evry, l'IGPN, la police des polices, avait été saisie. Les avocats de la victime ne sont pas convaincus. Ils ont donc déposé plainte hier et réclament l'ouverture d'une information judiciaire, la nomination en fait d'un juge d'instruction, car ils contestent la version des policiers qui avaient parlé d'un affrontement avec des jeunes. Le budget est présenté en ce moment même en Conseil des ministres. On le sait déjà, il y a du changement. Emmanuel Macron avait promis 10 milliards d'euros de baisse d'impôts. Ce sera finalement 7 milliards. Le budget prévoit également 16 milliards d'euros d'économies. Les Yvelines prennent des mesures contre le terrorisme. Le département va commander 4000 caméras anti-attentats. Tous les collèges seront équipés d'ici 2 ans. Un dispositif vidéo dernier cri censé détecter automatiquement les mouvements de foule ou encore les coups de feu. Coût de cet investissement, 13 millions d'euros. Un rassemblement pour les jeunes étrangers cet après-midi, 17h30 devant l'hôtel de ville de Paris. Le message de l'organisateur Réseau Éducation Sans Frontières est simple. Un toit, un lycée et des papiers pour ces jeunes qui, selon l'association, sont victimes de l'administration qui fait tout pour ne pas les reconnaître comme mineurs. En football ce soir, le PSG de Neymar à l'épreuve d'un grand d'Europe. Le Bayern Munich est attendu au Parc des Princes pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, à savoir le choc du groupe B. Coup d'envoi 20h45, soirée spéciale évidemment, dès 20h sur France Bleu Paris. Même si le mois d'octobre n'est pas encore tout à fait là, la Tour Eiffel sera en rose ce soir à partir de 20h20. Illumination pour le lancement du mois Octobre Rose, l'opération annuelle de lutte contre le cancer du sein. Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone. Alors le mois d'octobre n'est pas encore là, mais l'automne, lui, est bien là. Bah oui, mais c'est un automne plutôt agréable parce que les températures sont assez douces, quoi, quand même. C'est vrai qu'on a démarré la journée sous des brumes, des brouillards, voilà, puis petit à petit, ça s'éclaircit, jusqu'à 23 degrés attendu aujourd'hui. Ça va, 23 degrés, ça vous plaît pas? Bah oui, c'est bien. C'est pas mal. Allez, actuellement 19 à Gentilly dans le Val-de-Marne, 20 degrés à Saclat dans le département de l'Essonne et 20 degrés à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. Tout de suite, Flash Mobilité, Johanna Yakin, bonjour. Bonjour. Et pas de soucis dans les transports en commun. Exactement. Il n'y a pas de difficulté en ce moment. Ouais. Sur les rails, ça se passe bien. Si vous êtes en voiture, en revanche, c'est autre chose. On a un gros bouchon sur la francilienne extérieure. 13 km d'embouteillage à partir de Brie-Comte-Robert. On ne sait pas trop ce qui se passe dans le secteur. Peut-être des travaux qui perturbent la circulation. On a aussi un autre point noir. C'est l'A86 intérieure au sud de la capitale. C'est très coincé de Créteil jusqu'à Fresnes. Vous perdez une demi-heure dans les bouchons. Et puis, sur le périphérique, on a encore des résidus du bouchon, notamment en intérieur de la porte Maillot jusqu'à la porte de Saint-Ouen. Vous perdez une dizaine de minutes. Et puis au sud aussi, ça coince encore un petit peu entre les portes d'Italie et Orléans. Merci Johanna, rendez-vous à midi. Optimisez vos déplacements en Ile-de-France avec Radio France, en collaboration avec Vtrafic, service d'information trafic en temps réel, sur GPS, smartphone et sur v-trafic.com. Le Grand Paris, Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu Paris. Je suis ravi de vous tenir compagnie comme tous les jours jusqu'à 13h sur France Bleu. Vous l'avez entendu tout à l'heure, midi 13h, un invité. On va parler d'humour avec un New-Yorkais installé à Paris qui jette un regard sur nous, Parisiens, Parisiennes, Franciliens, Franciliennes. Assez intéressant et percutant. Et tout de suite, c'est l'heure du jeu, le Grand Paris, avec une question de sélection et le cadeau, vous l'avez entendu, samedi soir, dès 20h, vous serez à l'Olympia, la plus célèbre des salles de concert parisiennes, pour aller applaudir Vincent Niclot en concert. Alors voilà, la question de sélection, elle arrive tout de suite, question de sélection qui va vous permettre de jouer avec nous. Pendant une minute, je vais vous poser des questions de culture générale, accompagnées de 2 propositions de réponse. Vous répondez correctement, vous marquez un point, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Si une petite erreur se glisse, on s'arrête, on relève le compteur et effectivement, à la fin de l'heure, eh bien l'un ou l'une d'entre vous aura réalisé un très beau score, aura répondu correctement s'il y a égalité à la question subsidiaire et repartira avec ses 2 invitations, qu'on se le dise, pour le concert de Vincent Niclot à l'Olympia Tout est dit. Première question de sélection. Mathilde vous attend au 01 42 30 10 10. C'est très simple. Si vous êtes fan de lui, de Vincent, Niclot, vous n'aurez aucun souci. Dans quelle ville Vincent Niclot est-il né ? À Lyon ou à Paris ? 01 42 30 10 10. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. And I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweet release. Calling You, Jevete Steel, sur France Bleu Paris. France Bleu Paris. Allez, c'est parti, les questions sont là, les réponses, elles vont fuser dans tous les sens, ça va se batailler aujourd'hui. Je sens qu'il va y avoir bataille au standard. Bonjour Julien. Bonjour Laurent. De Viry-Châtillon. Avec qui iriez-vous voir Vincent Niclot samedi soir à l'Olympia? Avec ma mère, parce qu'elle elle raffole. Elle en est complètement dingue, hein, c'est ça. Elle le trouve sublime, tout ça, la voix, la grande voix, il chante de tout, dit pas de la variété à l'opérette, en passant par les chœurs de l'Armée Rouge, elle adore. Ça l'a fait frissonner, votre maman. Bah, c'est un beau cadeau que vous pourriez lui faire. Bon, ouais. Alors, Julien, reste plus qu'à, hein, parce que là, c'est pas évident non plus. Je vous promets qu'aujourd'hui, il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Je sens les beaux scores arriver. On commence par vous. On y va tranquillement, mais sûrement. Attention, top chrono. Une améthyste est une pierre de quelle couleur? Violette ou rouge? Violette. Oui. Dans la cuisine indienne, quel nom porte un poulet mariné au piment rouge et aux épices? On appelle ça un tandoori ou un chapati? Un chapati. Ah non, ça n'existe pas. Non. C'est le poulet tandoori. Oh, bah alors dans les deux cas, ça n'existait pas pour moi. Alors j'ai dit, je vais tenter le deuxième. Ah, c'est bon ça, le poulet tandoori. Bon, alors, pour aujourd'hui, ne dites rien à maman. Non. Ce que je peux vous confier, mais alors que ça reste entre nous, restez fidèles à France Bleu. Je prie pour qu'elle écoute pas. Il se pourrait que demain je revienne à la même heure avec peut-être le même cadeau. On en reparle, d'accord? D'accord. À bon entendeur, bonne journée. Merci Laurent. Bon courage. Bon, Julien. Bonne journée. Au revoir. Voilà. J'ai rien dit. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Oh, bonjour Christine de Saint-Aubin-en-Bray. C'est ça. Eh ben très bien, vous n'êtes pas gênée par le périphérique, vous, hein? Du tout. Bon, avec qui iriez-vous voir Vincent Niclot samedi prochain? Mon mari. Ah, c'est bien, une belle sortie. Bon, alors, je vous le souhaite, bien sûr, il faut marquer un maximum de points dans le Grand Paris. Pour l'instant, on est à un score de une bonne réponse. Essayons de faire mieux, top chrono. Ah, quel puceron a ravagé les vignobles au 19e siècle? On l'appelait le Xenopsylla ou le Phylloxera? Phylloxera. Dans quel pays produit-on le vin appelé Vinho Verde? Le Portugal ou l'Italie? On dirait l'Italie. Ah, c'est le Portugal. Ça bloque aujourd'hui. Aïe. Bon, eh ben Christine, oui. Belle journée à Saint-Aubin-en-Bray et à bientôt. Quand vous voulez rejouer, n'hésitez pas. Ok, au revoir. Merci. Bon, voilà un petit score, mais bon, effectivement, c'est pas évident, ça dépend des questions. Dans quelle ville est né Vincent Niclot? Vous avez le choix entre Lyon et Paris. Pour jouer avec nous, il faut appeler le 01 42 30 10 10. Comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole, quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessé. Et moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page. Moi et toi, c'est Vianney sur France Bleu Paris. Il sera en concert au Zénith le 22 novembre prochain. Oui, mais c'est complet. Eh oui, mais nous, on a déjà prévu de vous offrir des places grâce au carré VIP tous les jours, 7h50. France Bleu. Tous les matins à 7h50 sur France Bleu Paris, accédez au carré VIP des plus grands spectacles. Gagnez vos invitations au concert de Vincent Niclot à l'Olympia. Carré VIP. Carré VIP. Demain matin à 7h50 sur France Bleu Paris. Les 30 septembre et 1er octobre, la région Île-de-France met les potagers à l'honneur à l'occasion de la première édition de Jardins Ouverts. Plus de 110 jardins franciliens proposeront des animations culturelles. Théâtre, concerts, ateliers, dégustations. Ce week-end, ressourcez-vous en famille ou entre amis avec Jardins Ouverts. Une opération proposée par la région Île-de-France avec France Bleu Paris. Plus d'infos sur francebleu.fr. France Bleu Paris. La suite du Grand Paris est pour l'instant un score à égaler ou à dépasser. Ce serait mieux quand même. Une bonne réponse. Bonjour Hervé. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé de Lomperrier. Comment ça va? Ouais, ça va. Hein, vous êtes dehors là? Vous êtes dehors en voiture? Ah non, je suis à la maison, toujours avec mon pied cassé. Ah, vous avez le pied cassé. Oui, le tibia, j'ai été opéré la semaine dernière, mais bon. Et alors, ça va mieux? Bah, ça va mieux, ouais, ça commence à dégonfler un peu, ça va, j'ai deux grandes plaques avec des... Ah, avec vous allez biper maintenant quand vous allez prendre l'avion? Bah ouais. Ah, bah, c'est ouais. Rigolo, bon, faut le prendre comme ça, allez, bah, oui. Puis ça va bien marcher, dans 15 jours, vous courrez comme un lapin. Bah, attends, ça fait déjà 15 jours déjà. Bon, bah alors, dans encore 15 jours. Merci docteur. Bon, gardez le moral, c'est ça qui permet de oui. Guérir vite, d'accord? Non, mais quand je vous écoute, c'est top. Hein, bon, bah parfait. Alors, mon cher Hervé, une bonne réponse, mais il m'en faut plus. Évidemment, pour aller en finale, le Grand Paris, c'est jusqu'à midi. On y retourne dans ces questions et les voici rien que pour vous, top chrono. Quel mouvement avait lancé le slogan « Touche pas à mon pote » Act Up ou SOS Racisme? SOS Racisme. Bien sûr. Combien y a-t-il de mètres dans un kilomètre? 100 ou 1000? 1000. Qui a chanté « Mon fils, ma bataille » Daniel Balavoine ou Julien Clerc? Balavoine. Massy Palaiso se trouve au sud ou au nord de Paris? Au sud, yes. Dans l'Essonne. Ouais. Quel poète Paul Verlaine a-t-il blessé d'un coup de revolver? Rimbaud ou La Fontaine? Rimbaud. Ah bah oui. Dans l'armée de l'air, quel grade est juste au-dessus de capitaine? Commandant ou général? Commandant. Combien y a-t-il de salopards d'après le titre d'un film célèbre? 12 ou 14? 12. Quel objet lance-t-on avec les deux mains en athlétisme? Le disque ou le marteau? J'ai bien dit les deux mains. Le disque? Non. Le marteau. Ah oui, le marteau. Eh ouais. Eh ouais. Vous voyez le disque? Oui, oui, oui. Vous oui, voyez le marteau? Oui, je le mets, le disque, je le mets dans mon lecteur CD. Oui, si vous voulez, puis vous le balancez. C'est un peu d'humour, Laurent. Oui, mais il en faut, vous avez raison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, bah voilà, on a augmenté, c'est bien, grâce à vous. Bah, non, mais c'est bien, faut un petit challenge. C'est très bien. Voilà. Hervé, je vous souhaite un super bon rétablissement. Merci de nous écouter, on vous tient compagnie en ce moment, je l'ai bien compris. Continuez comme ça, et à bientôt. Et merci à Mathilde, elle nous accueille très bien. Toujours. Ah, ouais. Salut Hervé. Merci Laurent. 01 42 30 10 10, voici Annie de Cormeil en Parisie, bonjour. Bonjour Laure. Bonjour Annie. Cette bonne réponse, un score dorénavant à dépasser ou à égaler, mais je préfère vous dire de le dépasser. Ouais, si c'est possible. Ben oui, un petit 10, 11, 12, là ça nous ferait du bien. Ouais. Allons-y, tranquillement mais sûrement, et voici la première. À votre avis, durant quel siècle a été inventée la guillotine? Au 14e ou au 18e siècle? Au 14e siècle. Non. Eh non, la guillotine, c'est 18e. Ben voilà, moi j'ai et... bon. Puis il s'en est servi, hein. Enfin ils s'en sont servis, hein, je peux vous dire. Ben oui. Ouais. C'est bien. Ah mince, mince, oh, mince. Oh mon Dieu, puis je voulais du micro en plus. Alors oh, attendez. Je suis triste. Attendez, non, je vais vous dire ce que ça reste entre nous. Je ne sais pas si vous l'avez entendu précédemment, mais demain matin. Demain matin à 7h50. Deux invitations pour Vincent Niclot à gagner. 7h50, oui. Le carré VIP avec Robin. Appelez-le demain Robin. Matin, d'accord ? Hein, 7h50, d'accord ? D'accord. Allez, bisous, au revoir. Bisous, au revoir. Ouh là là, on va faire, des malheureuses aujourd'hui, j'ai l'impression. 01 42 30 10 10, tout de suite, essayez de jouer avec nous. Pas de problème, tout le monde peut prétendre à la victoire. Voici la première question, dans quelle ville Vincent Niclot est-il né ? Lyon ou Paris ? 01 42 30 10 10, Mathilde vous attend. Sur la route de Palmas sur France Bleu. France Bleu Paris. France Bleu. La suite du Grand Paris, je rappelle le cadeau aujourd'hui. Deux invites pour aller à l'Olympia samedi soir prochain. Applaudir, voir, écouter Vincent Niclot en concert. Bonjour Thérèse. Coucou bien Thérèse. Bien, bonjour. Qu'est-ce que ça... Oui, allô. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Vous êtes Thérèse de Bagnolet? Oui, oui, oui, oui, oui, de bon, alors, Laurent, ça va? Bon, super. Bah, et vous, alors, dites donc, samedi soir, Vincent Niclot, là, vous aimeriez ça. Hein. Oh, ouais, non, je sais. Je pense pas, non. Si, vous allez peut-être gagner. Bah, si. Oui, mais... Non, non, il faut essayer. Allez, on va y aller tranquillement. Il me faut au moins 7 bonnes réponses, d'accord? 7 bonnes réponses? Oui. Écoutez bien les questions, tout va bien se passer. Oui, oui, oui, je vous écoute bien. Attention, oui, top, bien. Oui, top oui, chrono. Oui. Thérèse, dans quel pays est né le Sirtaki? La Grèce ou l'Autriche? La Grèce ou l'Autriche? Le Sirtaki? La Grèce? Oui. Lequel de ces deux aliments ne fait pas partie des cucurbitacées? La goyave ou la pastèque? Oh là là! Allez, goyave ou pastèque, vous me dites? Allez. Ouais, très bien. Que manque-t-il au sphinx, le fameux sphinx en Égypte? Il lui manque ses oreilles ou son nez? Le sphinx. Le nez. Oui, très bien. Qui chantait Petite Marie? Francis Cabrel ou Alain Souchon? Petite Marie, c'est Francis Cabrel ou Souchon? Cabrel. Oui. Dans quel département se trouve ici les Moulineaux? Dans les Hauts-de-Seine ou dans le Val-de-Marne? 92. Oui, oui, oui, c'est bon, c'est bon. Nocturne. Allez, comment s'appelle le créateur de la marque de chaussures à la semelle rouge? Louboutin ou Balmain? Louboutin ou Balmain? Louboutin. Louboutin, bravo, c'est bon. Ça fait combien tout ça? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il en manque une. Oh, 6. Bah, c'est oh, bien. Il en manque une. Bah, oui, il en manque une. Ah, ça arrive oh, dans la vie. Hein. On peut faire sans. Enfin, pas. Oh. Bah, ça fait rien, vous allez rejouer. Oh, ça va, d'accord? Ouais, oui, oui. Je vous embrasse, Thérèse. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Bonne journée. Merci. Au revoir, à demain. À demain. À demain, oui, à demain. Oui, il n'y a pas de problème, on s'en souviendra. Ah, voilà Daniel de Chilly-Mazarin. Bonjour, Daniel. Bonjour, Laurent. En voiture. Simone. Non, Daniel. Taxi. Lumineux rouge ou vert? Il est rouge. Il est encore avec un client ou alors il a chopé une super bonne course? Non, je suis avec deux charmantes personnes. J'ai bien compris le message. Ah non, il y a monsieur. Il y a monsieur, madame. Bon, bah, vous arrangez, vous faites ce que vous voulez de votre vie, ça ne me regarde pas. Bon, Daniel. S'ils veulent vous donner un coup de main, il n'y a pas de souci pour les questions. Attention, roulez prudemment hein, quand même, hein. Roulez prudemment, d'accord? Juste un petit point de circulation, l'autoroute 1 sur le tunnel du Landy, ça vous donne l'information aussi que je suis sur le tunnel. Ouais. Ça roule pas bien. Mais vous allez à Roissy ou vous allez Porte de la Chapelle? Charles de Gaulle. Ah, c'est une belle course, hein, Charles de Gaulle. Hein. Bon, essayez de rouler vite quand même, sinon ils vont louper leur avion. Allez, on y va. Top chrono. Lequel de ces deux héros peut grimper sur les murs et faire sortir des fils de ses poignets? Batman ou Spider-Man? Oui. Selon la légende, quel saint veille sur les automobilistes? Saint-Christophe ou Saint-Jean-Paul? Christophe. Oui. Le Pékinois, c'est une espèce de quoi? De chat ou de chien? Chien. Oui. Dans quel film Vanessa Paradis apparaît-elle pour la première fois au cinéma? La Boum ou Noce Blanche?